Et la semaine prochaine, on regardera un peu si les autres ils sont revenus. S'ils ne sont pas revenus, on ne fera pas de fiqh. On se contentera du hadith. Et le tafsir aussi, on attend que les autres y reviennent. Donc aujourd'hui, on fera, comme la semaine passée, la fin du Sifatul Salah et les hadiths. Donc on était arrivé dans Sifatul Salah au sujoud, si je me rappelle bien. Et on avait expliqué un petit peu, est-ce que Al-Musalli yanzilu ala yadayhi aw rukbatayhi. Est-ce que quand on fait sujoud, est-ce qu'on pose en premier ses genoux ou ses mains par terre? Mais on avait conclu que Al-Amru wasi'a. La question elle reste large, on peut faire l'un ou l'autre. Wallahu a'lam. Donc lorsqu'on fait ça, ensuite on fait as-sujoud. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Allah m'a ordonné de me prosterner sur sept os. Et il a dit al-jabha, et quand il a dit al-jabha, il a montré son nez. Donc les sept os, c'est-à-dire le front avec le nez, les mains, les genoux et les pieds. Donc ça c'est le sujoud qui est le minimum obligatoire. Ensuite également, on avait vu que pour que le sujoud y soit valable, il faut respecter At-Tuma'nina. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui avait mal fait sa salat. Donc ce hadith-là, on l'appelle Hadithul Musi'i Salatahu. Le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِرِ الْوُضُوءِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ etc. Il lui a dit les arcanes, les choses importantes de la salat. Et dedans, qu'est-ce qu'il lui a dit? ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَجِدَتْ. Ensuite, fais le sujoud حَتَّى تَطْمَئِنَّ, jusqu'à ce que tu sois serein dans le sujoud. C'est-à-dire que si quelqu'un fait le sujoud, il pose sa tête, il la relève, c'est pas valable. Il faut qu'il reste un minimum de temps. Au moins le temps de dire Subhana Rabbi al-A'la. Au moins le temps de dire ça. Une fois qu'il a eu le temps de dire Subhana Rabbi al-A'la, là il peut relever sa tête. Également, les sunan du sujoud, c'est que ses mains sont dirigées vers la qibla. Elles sont au même endroit que quand on fait Takbiratul Ihram, c'est-à-dire au niveau des oreilles, au niveau des épaules. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écartait bien ses coudes au point où on voyait ses aisselles quand il faisait le sujoud. Également, il a déconseillé de se prosterner en posant son ventre sur ses cuisses, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se prosterner comme si on était fatigué. Et les deux pieds doivent être dans l'alignement des genoux, c'est-à-dire qu'on ne colle pas les deux talons dans le sujoud. On les laisse tels quels. Pourquoi? Parce que c'est ce que les musulmans ils ont pratiqué depuis toujours. Et les quatre imams, c'est ça qu'ils prônent. C'est-à-dire que les pieds, ils doivent être dans l'alignement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme ça dans le sujoud, il faut les séparer. Donc les quelques savants qui ont dit de coller les talons, en fait, ils se basent sur le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui a dit qu'un soir, elle s'est levée, il faisait noir, et elle cherchait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, avec sa main, et elle est tombée sur ses talons. Donc ils ont fait une interprétation comme quoi si sa main elle tombe sur ses talons, ça veut dire que ses talons ils sont collés parce que la main c'est pas grand, donc alors que bah, c'est ba'id jidden, c'est très lointain comme oui. Elle peut très bien toucher un pied et après toucher l'autre avec la même main et dire ma main elle est tombée sur ses talons. Mais surtout ils se sont basés sur un ajout qui est dans le hadith, un ajout qui est rapporté par Al-Harbi rahimahullah, dans lequel elle aurait dit « J'ai touché ses talons qui étaient collés. » Donc en fait, c'est ça l'argument pour dire qu'il faut coller les talons dans le sujoud. Et ça, c'est un ajout que la plupart des savants du hadith, ils ont rejeté. Et en fait, si on accepte cet ajout, c'est encore une fois, ça revient à ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est une question de méthodologie dans le hadith. C'est-à-dire, si on suit la méthodologie de ce qu'on appelle al-muta'akhirin, c'est-à-dire les savants, pas les anciens, mais les muta'akhirin, ceux qui sont venus après, eux, ils authentifient les ajouts qu'il y a dans les hadiths dès qu'ils sont rapportés par quelqu'un de fiable. C'est-à-dire, si on a un hadith avec une phrase en plus dedans, il y a 10 personnes qui rapportent un hadith. Le 11e, il le rapporte et il rajoute une phrase. Ben, chez ceux qu'on appelle al-muta'akhirin, si celui qui rajoute cette phrase, c'est un rapporteur fiable, on accepte cette phrase de façon absolue, tout le temps. Et ça, c'est une règle qui est tronquée. C'est-à-dire que si on revient à la méthodologie des anciens savants du hadith, comme Ahmed, Abu Daoud, Al-Bukhari, eh bien, c'était pas le cas. La plupart du temps, il l'a rejeté, et de temps en temps, il l'a accepté. Ça dépend des circonstances, ça dépend de qui est ce thiqa qui a rajouté cette phrase, qui sont ceux par rapport à qui il a rajouté cette phrase. Oui, cette question, ça s'appelle la question de ziyadatu thiqa. Donc comme ça, vous le savez, la question de coller ses talons dans le sujoud, c'est pas juste vous lisez un livre, le hadith est authentique, je le fais. Non, il faut savoir ce qu'il y a derrière. C'est un avis qui est isolé dans l'histoire de l'islam. Les quatre écoles, ils disent le contraire. Et c'est basé sur un hadith. Et l'acceptation de ce hadith, elle-même, elle est basée sur la question de ziyadatu thiqa. Ziyada, c'est-à-dire l'ajout d'un thiqa. Dans un hadith, quand un thiqa, un rapporteur fiable, il ajoute une phrase ou un morceau dans le hadith, est-ce qu'on l'accepte toujours ou pas? Donc certains qui sont venus après ont dit oui, on l'accepte toujours. Donc ils vont accepter ce genre de rajout. Voilà pour vous donner quelques éléments de compréhension vis-à-vis de cette mas'ala. Donc vous voyez que la question, elle n'est pas, je vous répète encore une fois, elle n'est pas simple dans le sens où, voilà, j'ai lu un livre qui s'appelle Sifatou Salah. Dedans, le cheikh, il dit, on colle ses talons. La preuve, c'est que Aïcha, elle a dit, point barre. Si toi, tu veux le lire, et tu le fais pour toi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est d'imposer ça aux autres, et surtout, de juger la salat des autres par rapport à ça. Et de croire que les autres, ils ne savent pas faire salat, parce qu'ils ne collent pas leurs talons dans le soujout. Alors qu'en fait, c'est toi qui es en train de faire un truc que depuis 1400 ans, les musulmans, ils faisaient pratiquement pas. Donc regardez comment le fait d'être fermé ou l'ignorance, ça peut, à quoi ça peut nous amener. Donc encore une fois, on répète, que quelqu'un lise le livre, il l'applique pour lui-même, il n'y a pas de mal. Et dans l'histoire de l'islam, il y a quelques savants qui l'ont mis en pratique, ce truc-là. Donc il n'y a pas de mal. Mais en faire que c'est ça le haqq, c'est ça, sifatou salat. Celui qui ne fait pas comme ça, sa salat, elle n'est pas à la sunnah. Ça veut dire que les quatre imams, ils ne savaient pas prier selon la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, en 1437, tu as découvert comment prier. Bref. Donc, c'est de bien écarter les coudes, ne pas être plié, replié sur soi dans le soujoud, ne pas coller les coudes par terre. Tout ça, ce sont des choses qui sont des makrouhat, c'est-à-dire des choses qui sont déconseillées dans le soujoud. Également, quand on fait le soujoud, on se rappelle que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Aqraba ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid » Le moment où l'être humain il est le plus proche d'Allah, c'est quand il est prosterné. Donc le musulman, il doit yastashir al-qurb. Il doit se penser à et réaliser qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, et en profiter pour faire beaucoup de dua. Car le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, nuhitu an aqra al-Qur'an fi sujud. Et ensuite il a dit, amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Il disait, le recours, il sert à vénérer le Seigneur. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. Et dans le sujoud, faites beaucoup de dua. Fa qaminun an yustajab lakum. Qaminun, ça veut dire jadirun an yustajab lakum. Qu'Allah lui interdit de réciter le Coran dans le sujoud. En fait, quand on est raki' ou sajid, il ne faut pas réciter le Coran. Le Coran, il se récite dans le qiyam. Dans ça, il n'y a pas de mal. Quand tu prends, parce que là, tu ne prends pas la dua dans le sens où c'est le Coran. Tu t'inspires du Coran pour dire, par exemple, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Là, tu ne le récites pas dans le sens où c'est le Coran. La preuve, c'est que tu ne dis pas Rabbana atina fid dunya. Tu ne dis pas comme ça. Tu le dis normalement. Parce que pour toi, tu n'es pas en train de réciter le Coran, tu es en train de dire une dua qu'on a tirée du Coran. Et justement, pour la mas'ala de l'ad'iyah fi salah, les savants ils sont unanimes pour dire que le mieux, quand on fait les dua dans salah, c'est de s'attacher aux dua qui sont dans le Coran et dans la sunna. Comme Rabbana atina fi dunya hasana, etc. Rabbi ja'ni muqim as-salati wa min dhurriyati. Ou alors les dua qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle disait Aïcha radiallahu anha, il disait des dua qui étaient jawami', c'est-à-dire elles étaient concises et elles étaient exhaustives, il y avait tout dedans. Et il n'y avait pas d'exagération. Et il ne se forçait pas à faire des rimes dans ses doigts. Alors que quand quelqu'un il invente sa doigt à lui-même, s'il essaie trop de bien faire, des fois il va tomber dans des choses qui sont... Il va demander des choses qui ne sont pas demandées. Ou il va formuler d'une mauvaise façon. Ou alors il va s'efforcer à faire des rimes, par exemple en arabe, ce qui est déconseillé dans les doigts, etc., etc. Mais il n'est pas interdit de faire doigt de soi-même. C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans le tashahoud, qu'est-ce qu'il a dit ? فليتخير من الدعاء ما شاء, qu'il dise les doigts qu'il veut. Donc qu'il veut, ça prouve bien que tu peux faire des doigts de toi-même. Les sahaba radiallahu anhum, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois ils faisaient des doigts d'eux-mêmes. Comme un bédouin quand il est venu, un bédouin quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'an al-hadith, il a dit Ana la uhsinu dandanataka wa la dandanata mu'ad. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une dua, parce que moi je ne sais pas faire dandana, c'est-à-dire moi je ne sais pas tourner autour du pot comme tu le fais toi et comme il fait Mu'ad. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des invocations qui sont belles. Et Mu'ad également, il le faisait. Donc qu'est-ce qu'on en comprend dans la question du bédouin ? C'est que Mu'ad aussi, il faisait des dua qu'il n'avait pas apprises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même, entre guillemets, qui les a inventées. Donc on a le droit de demander de soi-même des choses, même si la dua n'est pas rapportée dans un hadith. Tant que ça remplit les conditions de dua. Et pour la parenthèse, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar » Il a dit « Demande le paradis et qu'Allah te protège de l'enfer. » Et il a dit « Fa inna hawlahuma nudandin » Parce que c'est autour de ça qu'on tourne. C'est-à-dire toutes nos duas, à la fin, elles reviennent à rentrer au paradis et ne pas aller en enfer. Donc il lui a dit, si tu ne sais pas faire des doigts détaillés, demande le paradis et demande qu'Allah te protège de l'enfer. Donc il faut faire beaucoup de doigts dans le soujoud, et on fait aussi les afkars qui sont rapportés. Parmi les afkars qui sont rapportés, il y en a un qui est intéressant, c'est Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana, donc dedans il y a le tasbih, ensuite il s'adresse à Allah par rabbana, wa bihamdik, c'est-à-dire il fait le hamd, Allahumma ghfirli, et il y a l'istighfar, il y a le tasbih, tahmid, l'istighfar, et il s'adresse à Allah par Ar-Rab. Et Aisha radiallahu anha, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ce dhikr dans le ruku' et dans le sujoud, et elle disait yata'awwalul Qur'an. Yata'awwal, comment on va traduire ici yata'awwal? Il pressé. Non. Le ta'ouil, non. Pressé. Le ta'ouil. Ouais, mais le ta'ouil, ouais. En fait, c'est ça. Il faisait le ta'ouil du Qur'an. Mais ta'ouil, dans quel sens ? Ta'amel. Non. Kid. Non. Presque, ouais. En fait, yani yutabbiq. C'est un peu comme yutabbiq al-Qur'an. Yuhakkiq al-Qur'an. C'est pas yufassir al-Qur'an. Donc, elle a dit, yata'awwal al-Qur'an. À quel passage du Qur'an elle fait allusion ? Surat al-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Il y a tasbih, tahmid, rabb et l'istighfar. Innahu kana tawwaba. Donc pour mettre en pratique cet ordre d'Allah, dans le ruku' et dans le sujoud, il disait Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Donc pourquoi elle a dit yata'awwal ? Parce que le ta'wil en arabe, ça peut vouloir dire tafsir. Et ça peut vouloir dire également, yani, ça vient du verbe ala, bimana, aada, ma ya'oulu ilayhi al-amru. C'est-à-dire, c'est comme si on dit le devenir d'une chose, ou la réalité d'une chose, ça peut s'appeler ta'wil. Comme lorsqu'Allah dit, wa kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi, wa lamma ya'tihim ta'wilu. Ici, ce n'est pas tafsiru. Yani, kazzabu bis-sa'a, kazzabu bi-yawm al-qiyama, kazzabu bil-Qur'an, wa lamma, yani, laysa ba'd, lamma ya'tihim ta'wilu, yani, tahqiquhu. C'est-à-dire, Allah a dit dans le Qur'an, ils l'ont démenti, mais son ta'wil ne leur est pas encore venu. Est-ce que ta'wil ici peut vouloir dire tafsir ? Ah non, parce que le Qur'an il leur est descendu, et est-ce que le tafsir il est descendu avec ? Bah oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué le Coran. Donc ça veut dire quoi ta'wil? Le ta'wil, il peut vouloir dire la réalisation de la chose. Donc ça veut dire ils ont démenti le Coran et sa réalisation, c'est-à-dire ce qui est dit dans le Coran, comme quoi les morts vont être ressuscités, etc., ne leur est pas encore venu. Donc c'est, ou alors également dans la sourate Yusuf, quand à la fin de l'histoire, quand Yusuf alayhi salam, il dit Ya abadi, hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Ta'wil bima'na tahqiq, la réalisation. C'est pas l'explication. Il a dit voilà la réalisation de mon rêve. Qad ja'alaha rabbi haqqa, Allah l'a réalisé. Bon, tout ça pour dire pourquoi il a dit, elle a dit radiallahu anha, ya ta'wil ru'yaya. Donc il a appliqué sourate An-Nasr en faisant ce zikr-là, c'est pour ça qu'il est intéressant. Donc lorsqu'on fait as-sujoud, on avait dit que le sujoud, on le fait d'une longueur qui soit adéquate à toute la salah. Si on a fait un long recours, on fait un long sujoud. Après, on se relève en disant Allahu Akbar, dans le mouvement, comme d'habitude, comme on a expliqué. C'est-à-dire qu'on dit Allahu Akbar dans le mouvement. Et là, lorsqu'on est assis, on s'assoit de la façon qui est connue, c'est-à-dire on s'assoit sur son pied gauche, avec son pied droit qui est sur le côté, debout, ou bien avec le dos du pied par terre, et les mains sur les cuisses, et là on dit les adaya qui sont rapportés à ce moment-là. Donc ça c'est un moment de dua. Et la dua authentique qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rabbir Firli. Bima'na yukarrir Rabbir Firli. C'est-à-dire le sahabi, quand il a rapporté ça, il a dit Rabbir Firli. Dans le sens où il répétait. Ça ne veut pas dire deux fois. Ça veut dire que tu le dis autant de fois que tu veux. Donc on fait l'istighfar à ce moment-là. Et il y a d'autres du'as qui sont rapportés dans les sunnans. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Et parfois il y a quelques ajouts. Wajburni, warfa'ni. Donc tout ça on peut le dire et on peut même faire des du'as de soi-même, ou des du'as qui sont dans la sunna. Par exemple, Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa rabbana atina fi dunya hasana, etc. Tout ça on peut le dire à ce moment-là. C'est un moment où on fait l'istighfar et on fait ad-du'a. Donc c'est pas un qu'oud qui sert tout de suite à repartir. C'est une position mustaqilla. Hay'a mustaqilla fi salah, kas-sujud wa ar-ruku'. C'est une position à part entière qu'on doit respecter. Si on a fait un long sujoud, on s'assoit longtemps entre les deux sujoud. Et ensuite on redit Allahu Akbar et on se prosterne. Ensuite on se lève. Donc quand on est dans la première raka'a, on avait déjà expliqué que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit que quand on est dans la première raka'a, avant de se relever, qu'est-ce qu'on fait? D'abord on s'assoit et après on se lève. Et que la majeure partie des ulama, eux, ils considéraient que ce n'est pas mashrour, c'est-à-dire ce n'est pas recommandé. Bien sûr, il y a beaucoup d'arguments chez les uns, chez les autres, on ne va pas entrer dans le détail. Juste nous, ce qu'on retient, c'est que, donc je répète ce qu'on a dit la semaine dernière, pour faciliter la question, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a deux hadiths sahih dans Sahih al-Bukhari qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le sujoud, avant de se relever, d'abord il s'asseyait quand c'était la première raka'a. Donc le hadith, il est sahih, il n'y a pas de discussion dessus. Donc pourquoi les fuqaha, ils ont divergé si le hadith, il est sahih? C'est sûr, l'explication du hadith. Donc l'imam al-Shafi'i, lui, il a pris le hadith tel quel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait avant de se lever. Alors c'est bien de s'asseoir avant de se lever. Et ça s'est répandu à notre époque. Pourquoi ça s'est répandu à notre époque? Parce qu'à notre époque, se sont répandus les fatawas de les deux chers Ibn Baz, rahimahullah, et l'Albani, rahimahullah. Et comme tous les deux, ils recommandaient ça, bah, c'est pour ça que cette chose-là, elle s'est fortement répandue. C'est pas parce que le madhab de Shafi'i, rahimahullah, il s'est répandu, mais ça s'est répandu par les fatawas de ces deux chers de notre époque. Et les autres, comme l'imam Ahmed, rahimahullah, eux, ils ont considéré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça pour une circonstance, parce qu'il était devenu vieux, donc et c'était dur pour lui de se relever directement, donc il s'asseyait d'abord, et après il se levait. Pourquoi ils se sont permis, souvenez-vous, Pourquoi ils se sont permis d'interpréter ça comme ça? Il faut un facteur, il faut quelque chose pour pouvoir dire ça. La pratique, pas seulement des gens de Médine, on avait dit, la pratique des salafs en général. C'est-à-dire qu'à l'époque des sahaba, à l'époque des tabi'is, cette jalsa, elle n'était pas connue. Ou très peu connue, on va dire. Elle ne s'est pas répandue. Donc eux, ils ont dit, le fait qu'elle ne s'est pas répandue, c'est qu'elle n'est pas vraiment une sunna. Mais c'est juste quelque chose qu'on peut faire si on en a besoin. Donc voilà deux façons différentes de comprendre la question. Et ensuite, on se relève. Donc pareil, ça c'est des questions un peu qui passionnent généralement les gens quand on fait la salah. Mais encore une fois, c'est des questions qui ne sont pas... Ça relève seulement de ce qui est mustahab, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se relève dans salah? Est-ce qu'on se relève en s'appuyant sur ses mains ou est-ce qu'on se relève en s'appuyant sur ses genoux sans utiliser les mains? Ça, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le Rahim Allah qui disait ça. C'est-à-dire que l'imam Ahmad, lui, il prônait que le prieur, il se relève, il est en soujoud, il se relève comme ça direct. Il ne touche même pas le sol avec ses mains. Et d'un point de vue de la morale, c'est vrai que c'est ce qui correspond à toute la salat. Parce que quand on regarde toute la salat, dedans, on observe un nashat, le fait d'écarter ses bras quand on fait le soujoud, de ne pas se prosterner sur son ventre, de ne pas poser les coudes par terre. Tout ça, c'est des choses qui montrent un nashat, al-quwa, c'est-à-dire qui montrent la force de l'individu. Donc ça aussi, ça va dans cet esprit-là. Mais d'où est-ce que l'imam Ahmed, il tirait ça? Il tirait ça surtout des athars. Donc c'est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est surtout rapporté des sahaba, radiallahu anhum. Comme quoi, quand ils étaient dans la première raka'a, ou la troisième, quand ils se relevaient comme ça. C'est-à-dire, ils ne s'asseyaient pas, et en plus, ils ne s'appuyaient même pas sur le sol. Donc ils s'appuyaient sur leurs propres genoux, sans toucher le sol. C'est pourquoi l'imam Ahmed al-Rahimullah et d'autres, ils recommandaient ça, et d'autres se basaient sur les hadiths. Le même hadith dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait avant de se lever. Dans le même hadith, il est dit qu'il s'appuyait par terre. Il s'appuyait par terre pour se lever. Donc encore une fois, à votre avis, qui a dit que la sunna, c'est de s'appuyer par terre? Shafi'i. Non, Shafi'i. Le même qui a dit, c'est bien de s'asseoir avant de se lever, il a dit aussi, c'est bien de s'appuyer par terre. Parce que tout ça, c'est dans le même hadith. Et il dit également parce que ça évite que la personne, elle tombe, par exemple, en voulant bien faire. Alors que l'imam Ahmed, lui, en se basant sur les affaires, il dit, celui qui peut, celui qui est jeune, qui a de la force, ben, il se relève comme ça, et celui qui n'arrive pas, ben, il s'appuie par terre. C'est comme s'il voulait nous dire qu'en vérité, ce n'est pas des choses qui sont primordiales dans la salat. En vérité, chacun y fait selon, celui qui est jeune, qui est fort, il se lève directement, celui qui a un peu plus de mal, il s'appuie, celui qui a encore plus de mal, ben, il s'assoit carrément avant de se lever, etc. Et selon l'imam Ahmed, il se lève en s'appuyant sur ses genoux, ouais. Ou sans rien du tout? Non, en fait, en s'appuyant sur ses genoux. Ouais. Ouais. Parce que ça va être dur de le faire. Normalement, il faut s'appuyer sur ses propres genoux à soi. En fait. Mais voilà, pas par terre. Après, c'est répandu à notre époque aussi. Vous voyez beaucoup de gens, quand ils prient, ils se relèvent comme ça avec les poings. Ça vient d'un hadith de Abdullah ibn Omar qui disait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait après le soujoud, il faisait comme quand on fait la hajjin, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait du pain. Donc déjà ce hadith, la plupart des savants du hadith, ils l'ont mis de côté. Et après encore, c'est basé sur le fait que celui qui fait du pain, il fait comme ça. Alors qu'il peut aussi faire comme ça. Donc le hadith, il n'est pas texto qu'il avait ses poings fermés, il les mettait par terre. Ça, c'est une interprétation, si vous voulez, qui s'est répandue à notre époque. Et ben, les fouqas anciens, quand ils disaient, par exemple, comme l'imam Shafi'i, qu'il pose ses mains par terre, il précisait ni les mains ouvertes, ni les poings, ni quoi que ce soit. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de gens à notre époque, ils en ont fait, il y a un rouleau dans ça, il y a de l'exagération. Ils en ont fait une sunna vraiment, comme quoi quand on se relève, il faut mettre ses poings comme ça. Et en faisant ce rouleau, ben, ils ont répandu quelque chose qui n'était pas finalement, qui n'était pas connu chez les musulmans depuis 1400 ans. Donc une fois qu'on se relève, on fait la deuxième raka'a de la même façon. Et dans la deuxième raka'a, on ne va pas faire l'isti'adha et on ne fait pas non plus de dua al-istiftah. Donc dua al-istiftah, c'est dans la première raka'a seulement. Par contre, on dit la basmala avant surat al-fatiha. Et on fait une deuxième raka'a un peu plus courte que la que la première. C'est comme ça que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on fait at-tashahhud. Donc, lors du tashahhud, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier tashahhud, il s'asseyait sur son pied gauche et son pied droit, il était sur le côté mansoub, c'est-à-dire il était dressé. Et donc, il posait ses mains sur ses cuisses ou sur ses genoux et yushir. Yushir, c'est-à-dire il, comme il est dit dans le hadith, dans Sahih Muslim et autres, yushir, c'est-à-dire il montrait avec son doigt. Encore une fois, ça c'est une question, vous pouvez voir plein de choses différentes, vous pouvez lire plein de choses différentes. Donc encore une fois, on va essayer de donner quelques éléments. Autour de quoi ça tourne cette question de est-ce que je fais comme ça, est-ce que je fais comme ça, est-ce que je fais comme ça? Pourquoi on voit tout ça? En fait, dans les hadiths, si on revient vraiment aux hadiths, qu'est-ce qui est dit dans les hadiths? Dans les hadiths, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fermait sa main et yushir bis-sabbab. Ou alors il fermait sa main, il faisait un cercle avec son majeur et son pouce et yushir. C'est ça qui est dit dans les hadiths, c'est yushir, c'est tout. Et dans un ajout qui est dans le hadith, il a dit yuharrikuha, yad'u biha. Il bougeait son doigt et il invoquait avec. Il invoquait avec son doigt. Donc, ceux qui ont accepté cet ajout, en fait, pour vous donner un peu le. Il y a une dizaine de rapporteurs qui ont rapporté le hadith sans dire yuharrikuha. Et il y en a un qui a rajouté la phrase yuharrikuha. Il bougeait son doigt. Donc, si on dit cet ajout, cette ziyada, elle est de côté, on garde juste yushir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On montre avec son doigt, c'est tout. Et si on accepte yuharrikuha, alors on dit qu'il faut également faire un tahrik. Mais qu'est-ce que c'est tahrik? Comment bouger son doigt dans le tashahhud? Il n'y a rien qui le précise. Et quand est-ce qu'on le bouge? Il n'y a rien qui le précise. Et la meilleure interprétation sur quand est-ce qu'on bouge son doigt dans le tashahhud, elle est dans le hadith. Parce qu'elle a dit, il a dit, yuharrikuha yad'u biha. Il bougeait son doigt et invoquer avec. Donc de là, les fuqaha, certains fuqaha ont dit, le mieux c'est que quand ce qu'il dit, ça a le sens d'une dua, comme At-Tahiyyatu lillah wa salawatu al-tayyibat, ça se fait une dua. As-salamu alayka ayyuhan nabi, c'est une dua. Tad'u lil nabi bis-salam. As-salamu alayna, tad'u ala nafsika bis-salam. Wa ala ibadillahi salihin, dua li salihin bis-salam. Donc là, tu relèves ton doigt. Bon. Ce qui reste dans le hadith en vérité, c'est que yushir, il montrait avec son doigt. Après yuharrikuha, dans les quatre madahib, il y a beaucoup de paroles autour de ça, justement parce qu'il n'y a rien de clair. Donc certains vont dire, en fait, tu fais comme ça, et quand ce que tu dis ça a le sens d'une doa, tu le relèves. D'autres vont dire, non, en fait, c'est quand tu prononces le nom d'Allah, tu lèves ton doigt. D'autres vont dire, en fait, il reste levé du début jusqu'à la fin du tashahhud. Ou d'autres vont dire, c'est quand tu fais shahada, shahadatayn. Wallahu a'lam. Mais si on, tout ça, c'est des ijtihadat. Tout ça, c'est des efforts d'interprétation qui sont pas, qu'on peut discuter. Ce qu'il y a dans le hadith, c'est yushir. Et si on l'accepte, si on accepte la ziyada, c'est il montre et il bouge son doigt. Quand tu dis yushir et il bouge, c'est pour, en fait, c'est pour faire un jam entre l'ishara et le tahrik, c'est ça? Voilà, c'est ça c'est comme ça que certains l'ont compris. C'est-à-dire, ils disent yuharrikuha yad'u biha, yani yad'u bit tahrik. Yad'u biha bis sababa et inda dua, c'est comme ça qu'ils l'ont compris. C'est-à-dire qu'en fait, il fait comme ça, puis quand il fait le dua, il lève son doigt. Allahu a'lam. Tu as vu ceux qui disent on lève le doigt quand inda dikrillah? Et ouais, c'est quand ça, on c'est dit Allah cool. Dans la deuxième partie. Voilà, il y en a qui disent en fait c'est quand tu dis le nom d'Allah. Mais le problème c'est l'argument. Pas d'argument. Mais ils considèrent qu'Allahumma c'est comme si on dit Allah ou c'est ouais, ouais, bien sûr. En fait, celui qui a bien expliqué ça, si vous voulez revenir dans un livre, c'est Abdelaziz At-Tarifi. Dans son livre Sifatul Salah, il a très bien expliqué ce sujet. Donc il a montré qu'est-ce qu'il y a dans les hadiths. Après, qu'est-ce qu'il y a dans les hadiths qu'on peut accepter ou ne pas accepter? Et qu'est-ce qu'il y a dans les quatre madahib? Et en fait, lui, comment il a expliqué ça? De façon progressive. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans le hadith, c'est qu'il montre. Et après, dans les madahib, on trouve que, par exemple, tu fais de droite à gauche, ou alors tu fais quand tu dis Allah, ou quand tu fais char, il dit, mais tout ça c'est des ijtihadat qui n'ont pas forcément de fondement dans les hadiths. Donc si là il adopte ceci ou il adopte cela, là, encore une fois, l'amrou, wasir, la question elle est vaste, la question elle est vaste et elle n'est pas stricte. Donc dans le premier tasharrud, selon la majorité des fuqaha, on se contente du tasharrud, c'est-à-dire qu'on termine par shahadatayn et on n'ajoute pas la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'il est, c'est ça qui était connu dans la pratique des anciens, et il est rapporté également que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, quand il faisait le tasharrud, il était comme alal jamr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme s'il était sur des braises. Ça veut dire qu'il ne s'attardait pas, ça allait vite. Donc si ça allait vite, c'est qu'il ne disait que le tasharrud. Le tasharrud, il a plusieurs sirah, il a plusieurs formules. Et le plus connu, c'est celui de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et il y en a d'autres qui sont répandus. Par exemple, au Maghreb, c'est pas celui d'Abdullah ibn Mas'ud qui est répandu, c'est un autre. Et tout ça, tant que c'est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal. Ça, c'est ce qu'on appelle khilaf al-tanawwa. Dans le fiqh, le khilaf, il est de deux sortes. Si vous retenez ça, ça peut vous servir comme vous lisez dans le fiqh. Khilaf tidad, avec une chaîne sur le del, c'est quand par exemple quelqu'un il dit ça c'est halal et un autre imam il dit ça c'est haram. Est-ce que ça peut aller ensemble? Forcément, il y en a un des deux qui a raison. Et des fois, on a ce qu'on appelle khilaf al-tanawwa. Ça veut dire quoi khilaf al-tanawwa? C'est-à-dire que, par exemple, l'adhan et l'iqama, il y a des hadiths qui disent que quand on fait l'adhan, quand on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, après le mu'adhin, il s'arrête et il dit, pas à voix haute, il le dit pour lui, « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. » Ça s'appelle « At-tarji'a ». Et après, il crie, « Ashhadu an la ilaha illallah. » Et dans le hadith de Bilal, il n'y a pas ça. Il dit directement à voix haute. Donc, est-ce que ça, c'est un khilaf qidab ou tanawwur? Tanawwur, ça veut dire qu'on peut faire ça et on peut faire ça. Par exemple, l'iqama. L'iqama, il y a des hadiths qui disent que l'iqama, c'est comme nous on le connaît. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, etc. Et il y a d'autres hadiths qui disent l'iqama, mathna, mathna. C'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, en 19 phrases. C'est-à-dire plus long que l'adhan. Et c'est sahih. Donc ça, c'est un khilaf tanawwur. C'est-à-dire qu'on peut faire l'iqama comme ci et on peut faire l'iqama comme ça. Et l'autre iqama que je viens de vous dire, il est connu en Asie. Au Pakistan, en Inde, etc. Ils le font. Ils le font de cette façon-là. En 19 phrases. C'est rapporté dans. C'est authentique dans Sunan al-Tirmidhi. Donc ça, on appelle ça khilaf. C'est quand il y a plusieurs façons qui sont rapportées. Donc le tashahoud, eh bien, c'est la même chose. C'est un khilaf tanawwur. C'est-à-dire que d'un sahabi à l'autre, quand ils ont rapporté le tashahoud, il y a des phrases qui changent. Donc celui d'Ibn Mas'ud, c'est At-tahiyyatu lillah, was-salawatu, wa-t-tayyibat. At-tahiyyat, ça ressemble un peu à Alhamd. Qu'est-ce que c'est tahiyya en arabe? C'est le adresser le salut à quelqu'un. Donc quand on dit At-tahiyyatu lillah, tous les saluts vont pour Allah, c'est dans le sens de Al-Thana, Al-Mahamid. Toutes les éloges sont destinées à Allah. Wa-Salawat, Salawat, c'est-à-dire les prières. Wa-Tayyibat, Al-Tayyibat, c'est-à-dire Al-A'mal Al-Tayyiba. Toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes paroles, elles sont destinées à, elles sont consacrées à Allah. As-Salamu alayka ayyuhan Nabi. Donc ensuite, on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'adressant directement à lui. As-Salamu alayka. Pourquoi? Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que les anges lui transmettent le salut de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on peut dire As-salamu alayka. Et as-salam, c'est ad-du'a bis-salam, bis-salamati wal-afiya. Quand tu dis à quelqu'un as-salamu alayk, tu invoques Allah pour lui pour qu'il ait as-salam, c'est-à-dire pour qu'il soit en sécurité, en tranquillité, qu'il soit protégé. As-salamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullah. Donc, rahmatullah, vous connaissez. Wa barakatu. Al-barakat, c'est le khayarat. C'est-à-dire tout le bien de la part d'Allah, toutes les bonnes choses de la part d'Allah. Ensuite, tu fais le dua pour toi et les musulmans. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Donc, on voit que, on précise pourquoi salihin. La dua, elle est seulement destinée aux salihin. Donc, ça veut dire que les rousat, les foussaq, ils ne sont pas inclus dans la dua. Tu fais le dua pour toi et pour les salihin. Donc, ça pousse le musulman à être un salih. Parce que si tu es un rajul salih, à chaque fois qu'un prieur il dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, t'es dedans. Regardez le thamarat, as-salah, le bénéfice de la vertu. C'est que si t'es un vertueux, si t'es un salih, à chaque fois que quelqu'un il dit ça, toi t'es dans la dua. Les millions de gens qui prient tout le temps, à chaque fois il y a une dua pour toi dedans. Ashhadu an la ilaha illallah. Et ensuite, donc si c'est la prière, elle est de 2 rak'ah, on fait le tashahhud, on continue. Si c'est 3 ou 4 rak'ah, on se lève. Donc quand on se lève, on dit Allahu Akbar dans le mouvement et on lève les mains une fois debout. Après, on fait la 3e et la 4e rak'ah de la même façon, si ce n'est qu'on ne récite que Surat Al-Fatiha. Et le tashahhud final, donc si on est dans une prière de 2 rak'ah, ou de 3, ou de 4, on fait le tashahhud final, auquel on va ajouter donc ce qu'on appelle As-salatu al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin, etc. Que veut dire salli? Allahumma salli. Donc quand on parle d'un homme, salah, c'est salah, on connaît, il y a le dua wa salah. Quand on parle des anges, si on dit al-malaikatu tusalli ala bani Adam, ça veut dire que font dua pour eux. Mais si on dit Allah yusalli ala nabi par exemple, c'est les éloges, voilà, yafkuruhu wa yuthni alayhi. Comme le disait le plus vieux tafsir qui nous est rapporté de Salatullah, c'est de Abu al-Aliya, c'était un tabiri, rahimahullah, il disait Salatullah thana'uhu 'inda al-mala'i al-a'la, c'est-à-dire le fait qu'Allah il vante quelqu'un auprès des anges les plus hauts. Donc on demande pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Al-al ici c'est dans le sens de al-ahl wa sahb wa al-atba'. Ça englobe tout ça. Al-al, ça englobe la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la croyance de Ahl Sunnah, tout musulman il doit aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux parmi eux qui sont dans l'islam. Ceux qui ne sont pas dans l'islam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man lam yusri' bihi amalu, man batta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabu. Celui qui n'est pas poussé, c'est celui qui est ralenti par ses œuvres, c'est pas son nasab. C'est quoi le nasab? L'arbre généalogique. C'est pas son nasab qui va le faire accélérer. Donc ça c'est valable aussi pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Abu Lahab, est-ce qu'on dit que il est de Ahlul Bayt alors on l'aime? Non. Donc de même pour tous les kuffars de Ahlul Bayt. Mais Ahlul Bayt, les muslimouns, ils ont une mise. C'est-à-dire ils ont une distinction par rapport au reste des musulmans et ils ont un respect supplémentaire au reste des musulmans. Et dans Ahlul Bayt sont compris Ali ibn Abi Talib, avec bien sûr sa femme Fatima et ses fils Al-Hassan et Al-Hussein, et également Al-Abbas ibn Abdel Muttalib et ses fils, comme Abdullah, comme Al-Fadl ibn Abbas, également les autres, le frère de Ali, Aqil ibn Abi Talib. Et ça c'est marrant parce que Shia, ils disent que eux, c'est la religion d'Ahlul Bayt, mais dans Ahlul Bayt ils choisissent. Normalement, Ahlul Bayt, si on dit Ahlul Bayt, c'est tout Ahlul Bayt tant qu'ils sont muslimines. Shia, ils choisissent. C'est-à-dire, l'Abbas, ils ne mettent pas dans Ahlul Bayt. Non, c'est un kafir. Abdullah ibn Abbas, kafir. Aqil ibn Abi Talib, kafir. Al-Fadl ibn Abbas, kafir. Azwajun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, kawafir. Donc, vous choisissez dans Ahlul Bayt. Donc, nous, on est. Nous, awla bi Ahlul Bayt, minkoum. Nous, on est plus proche de. On peut plus se réclamer d'Ahlul Bayt que les soi-disant Shi'at Ahlul Bayt. Parce que nous, on respecte tous les Ahlul Bayt, dont Al-Abbas et ses fils, et dont les Azwaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles sont incluses dans Ahlul Bayt. Donc tous ces gens-là et leurs descendants, même aujourd'hui, on leur doit, quand ils sont dans la vertu, quand ils sont dans l'islam, quand ils sont dans ce salah, on leur doit un amour et un respect plus que le reste des musulmans, par respect et par distinction envers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que quand on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, c'est seulement eux? Non, al-al, regardez ce qu'Allah dit dans le Coran, wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Allah dit dans le Coran, au jour du jugement, on dira, faites entrer al-fir'aun, al, le même mot, dans le pire des châtiments. Est-ce que c'est que la famille de Fir'aun qui va entrer au châtiment ou toute son armée qui a été engloutie avec lui? Toute son armée, tous les gens qui lui adoraient, qui disaient que c'était un dieu, etc., tous ceux qui l'ont cru et qui ont cru en lui, tout ça c'est al-fir'aun. Donc c'est pareil pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, ça c'est al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils peuvent se réclamer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça englobe ces sahaba qui ne sont pas de Ahlul Bayt, et ça englobe tous ces atba', c'est-à-dire tous ceux qui le suivent vraiment jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est pour ça que si tu es un vrai sunni, c'est-à-dire vraiment tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ta façon de comprendre la religion, dans ta façon de croire en Allah, dans ton comportement, dans ta façon d'appliquer l'islam et tout, eh bien, tu fais partie de Ahlul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un il dit Allahumma salli ala Ali Muhammad ou ala Ali Muhammad, également tu seras dedans. Tu profites de la dua des gens. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid, etc. Jusqu'à la fin de dua. Donc cette dua, elle est, on avait dit dans le deuxième, même dans le tashahhud final, elle est mustahabba. Selon la majorité des fuqaha, c'est mustahab. On avait vu qu'Abdullah ibn Mas'ud, il disait, quand il apprenait aux gens le tashahhud, il disait « Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, idha qulta hadha faqad tammat salatuk. » Quand tu as dit ceci, ta salat est complète. Ça veut dire que tout ce qui est après, c'est du khayr en plus, mais c'est pas obligé. Donc la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également et surtout ad-du'a. Donc la dua la plus importante à faire après Salat Ibrahimiyya, c'est quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Ista'idhu min arba', le fait de demander la protection d'Allah contre quatre choses. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal, le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, les tentations de la vie et de la mort. Bon, de la vie on comprend, mais ça veut dire quoi la tentation de la mort? Non, parce que déjà tu dis Adab al-Qabr. Ouais, c'est vrai que Fitnatul al-Qabr. En fait, ça peut être la fitna au moment de la mort. Voilà. Parce qu'au moment de la mort, quand tu es dans les affres de la mort, Shaitan il vient. Et il essaie de te, au dernier moment, te faire prendre le virage. Par exemple, c'est connu que, c'est rapporté dans beaucoup d'histoires des Salihin, que Shaitan il venait à eux, par exemple, sous la forme d'un parent. Donc les autres gens, ils ne le voient pas. Et lui, par exemple, au moment de mourir, il voit son père. En fait, c'est Shaitan qui prend la forme de son père qui est mort. Il lui dit, mon fils, voilà la vérité, c'est le christianisme. Deviens chrétien avant de mourir, sauve-toi. Ou alors, mon fils, la vérité, c'est le judaïsme. Deviens juif avant de mourir pour être sauvé. Donc ce genre de manigance. Donc c'est pour ça qu'on demande à Allah la protection contre Fitnatil Mamet. Et Fitnatul Mamet, c'est aussi une fois qu'on meurt, les questions. Man Rabbuk, Man Nabiyuk, Man Dinuk. Qui est ton Dieu, qui est ton prophète et quelle est ta religion? Ça aussi, c'est Fitnatul Qabr. Donc c'est une dua qu'il ne faut pas négliger. Et charge Fitnatil Masih al-Dajjal, le mal de la fitna du Masih al-Dajjal, qui viendra donc à l'approche de la fin des temps. Et dont sa fitna est la plus grande fitna qui aura touché l'humanité. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si vous entendez parler de lui, il ne faut pas l'approcher. Et que quand quelqu'un va s'approcher de lui, il va réussir à l'amener avec lui. Min shiddati ma yulqi alayhi min ash-shubuhat. Tellement les shubuhat qu'il va lui dire, elles seront grandes. Que les gens, s'ils s'approchent, ils vont le croire. Donc il dit que quand vous entendez parler de lui, il faut aller de l'autre côté. Il faut le fuir. Il ne faut pas se se risquer à aller l'écouter ou à se confronter à lui, etc. Ça, c'est le Masih al-Dajjal. Le Masih al-Dajjal, une petite parenthèse qui est intéressante, c'est que certains savants, ils ont retiré une chose du hadith sur le Masih al-Dajjal. C'est le, vous connaissez tous le hadith avec le Masih al-Dajjal, comme quoi il y a deux personnes de son armée, ils vont attraper un homme, ils vont lui dire crois au Masih al-Dajjal, lui il va dire non, c'est lui le Masih al-Dajjal dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait parlé. Il y en a un des deux qui voudra le tuer, mais qu'est-ce qu'il va lui dire l'autre? Non, notre Seigneur, c'est-à-dire le Masih al-Dajjal, nous a appris à ne tuer personne. Et après ils vont le traîner devant le Masih al-Dajjal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la civilisation du Masih al-Dajjal, c'est pas une civilisation de massacre, c'est pas comme les Mongols, les Tatars, c'est pas des gens qui vont venir massacrer tout le monde. Non, c'est une civilisation qui prône la paix, qui prône que ses propres soldats, ils disent, rappelle-toi, notre Dieu nous dit qu'il ne faut tuer personne. Les soldats, alors que d'habitude, les soldats, qu'est-ce qu'ils disent? Ils massacrent et ils ne se posent pas de questions jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils font partout dans le monde. Mais les siens, non. Entre eux, ils se disent, rappelle-toi que notre Seigneur nous dit de tuer personne. Donc c'est une civilisation qui va avoir les gens, mais pas avec la violence. Au contraire, c'est en les endormissant avec les choubouettes et en les endormissant avec la paix, etc. C'est comme ça qu'ils vont les avoir. Donc c'est pas une civilisation de massacre, c'est une civilisation de d'intégration, entre guillemets, ou je sais pas comment on peut dire, pseudo-pacifiste. Donc ça c'est la doa qui est la plus importante, sinon également on peut dire il y a plusieurs doa d'istighfar qui sont rapportés à ce moment-là. Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir la ilaha illa ant. Et également le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là wa li yatakhayyar min ad-du'a ma sha, qu'il choisisse les doa qu'il veut. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est fortement perdu dans le coma des musulmans. C'est-à-dire que quand ils font leur salat, ils font tashahoud, après ils disent Allahumma salli ala Muhammad, et après ils disent Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors que justement, non. Le tashahoud, c'est Athana ala Allah. Ensuite, As-salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, c'est l'introduction pour que tu fasses dua. C'est là le moment justement de faire ad-dua. Et c'est ça la fonction de la fin de la salat. Avant de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est le moment pour faire ad-du'a. Il ne faut pas juste dire tashahoud et salat ala nabi. Il faut en profiter. Au minimum, tu dis Allahumma inni a'udhu bika min fitnati, enfin les quatre qu'on a cités, min azab jahannam ou min azab al-qabr, etc. Tu rajoutes l'istighfar. Est-ce qu'il n'y a pas de mal à répéter une du'a? Non, il n'y a pas de mal. En fait. Même si c'est tout le temps. Ouais, même si c'est tout le temps. Non, il n'y a pas de mal. En fait, ça aussi, c'est un sujet dans lequel qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un, il fait d'une chose une habitude dans sa salat, ou dans ses doigts, est-ce qu'on dit, ah, il a instauré quelque chose qui n'est pas sunnah, donc c'est bid'a? Non. Tant qu'il ne dit pas, c'est sunnah de faire ça à ce moment-là. Parce que quand on regarde les sahaba eux-mêmes, ils prenaient des habitudes. Par exemple, des doigts qu'ils aimaient bien, des surat qu'ils aimaient bien. L'exemple que vous connaissez tous, vous l'avez tous lu, le hadith. Le sahabi qui était amir d'une expédition, et à chaque fois qu'il faisait salat à voix haute, il récitait la fatiha, il récitait une sourate et il récitait sourate al-ikhlas. Est-ce que c'est sunnah ça? Est-ce que c'est bid'a? Quelqu'un va me dire, c'est soit sunnah soit bid'a. Ben non, c'est lui, il aime bien faire ça, c'est tout. Il n'a pas instauré une nouvelle ibadah et il n'a pas prétendu que c'est sunnah. Donc c'est pour ça que quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit qu'il faisait ça, il a dit, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait ça, il a dit inna sifatur rahman fa uhibbu an aqra biha, c'est la description d'Allah, donc j'aime la réciter. Il a dit fa akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Donc si par exemple quelqu'un il aime bien une dua, il l'a apprise et il trouve que voilà, c'est une dua qui le touche, il l'a dit à chaque salat ou dans chaque sujoud, il n'y a pas de mal. Comme certains chouyours, par exemple, quand vous lisez la biographie de certains ulama, ils disaient tel savant, c'était mon cher et tout, à chaque soujoud, je demande le pardon d'Allah pour lui. Est-ce que c'est sunnah? C'est pas spécialement sunnah, mais est-ce que c'est interdit? Dans les deux, tu fais ce que tu veux. Donc si une doua que t'aimes bien, tu veux la faire tout le temps, ben tu la fais, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne considères pas et tu ne dis pas que c'est une sunna de faire ça. C'est une sunna de faire doua pour son cheikh à chaque truc. Telle doua, il faut la faire à chaque salah. Mais toi, t'aimes bien le faire. Alhamdoulilah, le bab doua, maftouh. La question des doua, c'est quelque chose qui est ouvert. Également, une question intéressante, c'est hay'atou sujoud. Comment est-ce qu'on s'assoit dans le dernier tashahhud? Donc dans le dernier tashahhud, qu'est-ce qu'on, comme il est connu, on ne s'assoit pas sur son pied gauche, mais son pied gauche, on le fait passer sous sa jambe droite, et on s'assoit sur sa fesse gauche, par terre. Voilà, ouais. Comme tout le monde fait, ça généralement, c'est quelque chose qui est assez connu. Là où la question elle se pose, c'est quand la salat elle est que de deux raka'as. Est-ce qu'on se dit c'est le deuxième tashahhud donc je m'assois sur mon pied gauche, ou est-ce qu'on se dit c'est le dernier tashahhud donc je m'assois sur mon derrière. L'imam Ahmed rahimahullah il dit comme c'est le deuxième tashahhud, et Aïcha radhiyallahu anha disait quand il était à deux raka'as il s'asseyait sur son pied gauche, et l'imam Shafi'i lui il dit non. On ne regarde pas que c'est le deuxième, on regarde que c'est le dernier. Donc on s'assoit comme si c'était la troisième ou la quatrième raka'a. Et c'est plus logique. Parce que auquel des deux il ressemble le plus ce tashahhud? Au deuxième ou au troisième? Celui de la deuxième raka'a ou celui du troisième? Au final, parce qu'on va rajouter la salat ibrahimiya, on va rajouter le dua, on va dire salam alaikum, on va rester plus longtemps. Wallahu a'lam. Donc même dans des prières surérogatoires, on devrait terminer comme ça. C'est pas qu'on devrait, c'est alhamdoulilah, la question comme d'habitude elle est large. Mais par exemple chez Shafiria, oui, chez Shafiria, quand ils font deux rak'as, ils finissent comme ça. D'accord. Et c'est marrant aussi de ça, enfin marrant, c'est intéressant plutôt on va dire de savoir que chez, si je me trompe pas, c'est chez l'imam Malik, cette position qu'on appelle Tawarruk, c'est à chaque fois qu'on est assis dans ce sens-là. Il n'y a pas de iftirash. C'est l'iftirash. Et chez Abu Hanifa, dans toute la salat, on fait le tawarruk. C'est-à-dire, on s'assoit sur son pied gauche. Il n'y a que Ahmed Shafiri qui ont mis les deux dans la salat. Justement, tawarruk, apparemment, il y a des savants. Bah, dans le madhhab d'Imam Ahmed, il dit la femme, elle ne le fait pas. Ouais, effectivement. Mais... la femme, ils disent, elle fait tarabbou, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Elle prie. Mais si elle est à la maison, tu veux que tu la pries? Oui, bien sûr, ouais. Si elle est à la maison, normalement, il n'y a pas de... Pas de raison. Voilà. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fouqa, ils disent la femme, elle s'assoit comme ça, dans ce sens-là. Elle s'assoit mutarabbi'a. Et quand elle est en soujoud, elle ne fait pas comme l'homme, comme ça, elle se recroqueville sur elle-même. Quand elle est debout, elle s'épile. Mais c'est vrai que je sais que les fouqa, il y a beaucoup de fouqahat qui disent ça. Les fouqahat qui disent ça, mais j'ai cherché des... L'argumentation, j'ai pas trouvé. Quand elle s'assoit, c'est ça. C'est comme ça. Donc c'est ça. Moi, je me souviens de non, tarabbou, c'est ça, tarabbou. Moi, je me souvenais de qu'elle fait tarabbou. Dans tawarruk, c'est comme ça, et dans les ftirash, ils disent, elle fait comme ça. D'accord. Pour pas qu'on voit ces parties et tout. Je sais que les fouqaha ils disent ça, mais je connais pas leur argumentation. Enfin, ils disent ça, c'est pas tous qui disent ça, mais ça, c'est un avis. Mais c'est un avis qui est connu, mais je connais pas leur argumentation. En fait. Leur argumentation, il y a ce qu'on appelle un ta'lil. Ta'lil, c'est une explication. Ça veut dire, on dit, ala astaroula, c'est plus pudique pour elle. Et les autres, ils vont dire, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, et il n'a pas fait de différence entre l'homme et la femme, donc elle prie comme les hommes. Wallahu a'lam. Ensuite, on dit, assalamu alaykum wa rahmatullah, à la droite, assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc le salam il se fait bel et bien à gauche. C'est-à-dire, des fois il y a des gens qui se compliquent la vie. Par exemple, ils font Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils font plein de trucs bizarres. Le hadith il est simple. Yusallimu an yaminihi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa an shimalihi Assalamu alaikum wa rahmatullah. On ne peut pas faire plus simple que ça. Donc ça va de faire comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça vient du fait que. C'est rapporté de certains sahabas qu'ils faisaient le salam, un seul salam devant eux. Mais soit tu fais ça, soit tu fais ça. Mais il ne faut pas mélanger, ça c'est un mélange des deux en vérité. Mais il a rapporté le salam comme ça. Une fois devant, ça existe également. Et comme donc on avait déjà expliqué que, certes, comme l'imam Malik, lui, prône un seul salam. Assalamu alaikum. Donc si vous voyez ça par exemple au bled, sachez que c'est sahih, ça existe, c'est pas sorti de nulle part. C'est les, beaucoup de sahaba, ils faisaient le salam un seul. Et c'était répandu, c'est ça qui était répandu pendant toute l'époque de Bani Umayya. Pour vous dire parfois comment une chose, on peut la voir comme évidente, et à l'époque c'était autre chose qui était évident. L'imam Ahmed il a dit, les deux salams ils sont apparus qu'à l'époque des Abbasides. Imaginez. Les années, c'est une petite colle. Merci. Je ne saurais pas te dire quelle année. Dans les années 100, ça c'est sûr. Mais 100 combien? Si quelqu'un étudie au bled, il peut me dire. Dans les années 100, du vivant de l'imam Malik. L'imam Malik et Abu Hanifa, tous les deux, ils ont connu le passage entre eux, le renversement des Omeyyades par les Abbasides. Donc pour vous dire que pendant toute cette période, ce qui était connu, c'était un seul salam sur. Un seul salam à droite. Une fois qu'on a terminé as-salah, donc on fait al-afkar ba'd as-salah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc la hikma de l'istighfar ici, c'est jabrun naqs, c'est de compenser les manquements qu'il y a pu avoir dans as-salah, dans la prière. Et ça rappelle à l'être humain qu'il ne doit jamais croire qu'il est complet, qu'il est parfait, même s'il a fait ce qu'il pense être une super salah, il dit à la fin l'istighfar trois fois pour compenser le manque. Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ta ya dhal jalali wal ikram. Donc oh Allah, tu es as-salam. Que veut dire le nom d'Allah as-salam? Yani as-salim min kulli aib wa min kulli naqs. Celui qui est exempt de tout défaut et de tout manquement. Wa minka salam, et c'est de toi que vient as-salam. C'est-à-dire c'est comme si on disait tu es parfait et c'est de toi que vient la perfection. C'est-à-dire que si l'être humain il arrive à se corriger des défauts et à être protégé, ce salam, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakta ya dha jalali wa l'ikram. Et après, on fait les afkar qui sont rapportés. Donc le meilleur dhikr qui est rapporté, c'est le plus connu, c'est le fait de dire 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et de terminer par La ilaha illallah wahdahu, et non pas la shahada, mais de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et il existe plusieurs versions qui sont authentiques, comme le fait de le dire seulement 10 fois. 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar. Ou alors de dire 25 fois subhanallah, 25 fois alhamdulillah, 25 fois Allahu Akbar, et 25 fois la ilaha illallah. Ensuite, il y a deux dhikr également qui sont dans les sahih de Bukhari et Muslim, et que la plupart des gens ils ignorent ou ils négligent. C'est que quand on termine salat, on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Également La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Beaucoup de gens ils ne savent pas cela. C'est bien de les apprendre pour les faire, notamment pour pratiquer une sunnah et les faire revivre. Ensuite également, il y a certains passages du Coran dont il est rapporté qu'il est bien de les dire après salat, comme ayat al-kursi ou al-mu'awwidhat, c'est-à-dire surat al-ikhlas et al-falaq et an-nas. Et ensuite également, sachez que selon la majorité des fuqaha, on peut faire dua après à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini les afkar, la majeure partie des fuqaha, dont les hanabila, ils prônent de faire dua. C'est-à-dire qu'il est bien de profiter de ce moment-là pour faire dua. Même si, comme on l'a expliqué, le meilleur moment pour faire dua, c'est plutôt avant le salam. Puisque quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à faire dua avant de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous allez me dire oui, mais on a toujours entendu qu'il ne faut pas faire dua après salat. Certes, vous avez toujours entendu ça. Certes, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans différents hadiths, il a dit ce qu'il faut faire après salat. Dans un hadith, il a dit de dire les 33 fois. Dans un hadith, il a dit de dire le dhikr que je vous ai cité. Dans un autre, il dit de dire ayat al-kursi. Il n'a pas dit qu'il faut faire ad-du'a. Mais malgré ça, la majeure partie des fuqaha et des ulama le recommandent quand même. Et le fait qu'on ait appris aujourd'hui, moi j'ai remarqué une chose, après Allahu A'lam, le fait que depuis les années fin de 90-2000, il s'est répandu. C'est répandu l'avis de dire aux gens, après Salat al-Fard, il ne faut pas faire de dua. Notamment pourquoi ? Parce qu'on réprimandait le fait que les gens, quand ils font Salat, ils font de façon automatique et machinale, ils font ça. Et après, ils font ça, par exemple, ou ils font ça, ou un truc comme ça. Ça, oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais est-ce que parce que ça, c'est pas bon, tu dis aux gens qu'il ne faut pas faire dua après Salat al-Fard ? Le problème, c'est qu'est-ce que ça a amené ? Bah, c'est qu'à la fin, plus personne ne fait de dua. Parce que si tu ne fais pas de dua quand tu vas à la mosquée, quand tu as fini Salah, et tu ne prends pas ton temps de faire dua, à la fin, c'est quand que tu fais tes dua. Tu vas me dire, bah si, dans Qiyam Lay. Ouais, mais tu le fais. Est-ce que, comme ça, à la maison, tout seul, tu te mets à genoux puis tu fais des dua, faut pas mentir. Hein? Pour ceux qui viennent en avance, c'est le top. Ça aussi, c'est un des moments prisés pour faire dua. C'est entre l'Adhan et l'Iqama. Mais sachez que, encore une fois, la question elle est large, elle n'est pas fermée à ce point-là pour le fait de faire dua après ça. Et c'est dingue comme on a condamné à une époque, les gens ils condamnaient fermement le fait de faire dua après ça, notamment en levant les mains. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils leur disaient après Nafila, tu peux. Ben, moi je pose la question très simple. Quand est-ce qu'il est rapporté dans un hadith que tu fais deux rak'a, après tu lèves tes mains, tu fais deux. C'est rapporté. C'est pas rapporté. Donc si tu l'interdis après Salat Fard en disant c'est pas une sunna, faut pas le faire, il faut dire aussi quand tu fais deux rak'a, c'est pas une sunna de lever tes mains aussi. Donc tu fais jamais deux après Salat. Ou alors tu dis, comme disent la majeure partie des fuqaha, deux c'est quand on veut. Deux c'est maftou. Donc celui qui a envie de profiter qu'il est venu faire Salat pour faire deux à ce moment-là parce qu'il est dedans, il vient de faire sa prière en grand jamara, il vient de faire du zikr. Donc c'est le bon moment pour lui de prendre son temps de faire dua. Pas dans le sens où ça fait partie des sunan de après salah. Comme quelqu'un par exemple qui dit, moi je profite quand je vais à la mosquée, je finis salah, je fais ma afka, je lis le Qur'an. On va lui interdire. Pourtant est-ce que c'est rapporté qu'après salah on lit le Qur'an ? Non. Mais est-ce que c'est haram ? Non. Le Qur'an tu le lis quand tu veux. Donc lui, il profite de ce moment prisé. Il vient de faire Salat Jama'a, il a fait ses afkar. Donc il dit, maintenant je suis tranquille, je sais que je ne serai pas chez moi. Il fait de dua, en levant ses mains, parce que quand on fait de dua, on lève ses mains. Alhamdoulilah, la question, elle est large. Celui qui est d'avis que non, il ne faut pas, parce que ça ne fait pas partie des afkar. Khair. Mais de là à dire bid'a, etc., alors que dans les quatre madahib, la majeure partie des fuqa, ils prônent de faire dua quand tu finis Salat, c'est là que c'est dur. Et qu'est-ce que ça entraîne, comme on a dit? Ça entraîne que les gens, à la fin, ils ne font pas de dua. Ou alors qu'ils ont ramené un truc entre les deux. Ils te disent, quand tu fais dua rak'a, tu peux faire lever tes mains et faire dua. Ben, ça non plus, ce n'est pas rapporté. Comme ce n'est pas rapporté après farz, ce n'est pas non plus rapporté après an-nafl. Mais on n'enlève pas que le meilleur moment pour faire dua, c'est quand tu es comme ça. Avant de dire salam. Et comme il dit Cheikh Tarifi, hafidhahullah, le fait de faire dua après les afkar ou après salah, il y a un asl dans la sunna. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit à Mu'adh, quand tu termines salah, dis a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il a dit dubur kulli salah. Et dubur, on peut le comprendre comme à la fin de salat, avant de dire salam alaykum, et on peut le comprendre dubur salah, yani ba'da salah. Comme les deux sont compréhensibles, ça veut dire que les deux sont possibles. Donc ça veut dire que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lui a recommandé de faire dua après salah. Puisque dubur salah peut être compris par ba'da salah. Donc ça prouve que c'est un as, le faire de fait des dua après salah. Bon, on va s'arrêter là, inchallah, on a fait une heure. Comme je vous ai dit, c'est pas au sort du programme. On a fini pour sifatou salah, la semaine prochaine on fera les hadiths, inchallah. يقول هذا في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هل تعني الدعاء؟ بعضهم فهموا هكذا ستان باتو plutôt. Et à certains savants, ils l'ont tiré même de le verset que le frère vient de citer. فَإِذَا فَارَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Beaucoup de ulama, ils ont dit, voilà, ça prouve que quand tu fais... Ça ne veut pas dire que le verset veut dire ça, mais on en retire ça. C'est une différence entre le tafsir ou l'istinbat. C'est que, إِذَا فَارَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. On peut en comprendre que quand tu finis ce salat, après, aspire à ton Seigneur, bid dua. C'est quoi la différence, allez, on finit sur une valide sympa, entre tafsir et istinbat? Vous avez tous entendu istinbat. Istikharaj. Voilà, istikharaj. Pas forcément que l'ahkam. En fait, istinbat, c'est idhar ma kana khafiyan. C'est de sortir du texte quelque chose qui n'était pas évident. Et tafsir, c'est bayan ma'na al-nas, l'aya ou al-hadith. Donc si tu dis par exemple inna a'tainaka al-kawthar, ma'na al-kawthar al-khayru al-kathir ou nahrun utiyahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle tafsir. Inna a'tainaka al-kawthar, nous t'avons donné le kawthar. Tu dis le kawthar de point veut dire al-khayru al-kathir, beaucoup de bien, ou un fleuve qui est du paradis qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Kawthar. Ça s'appelle tafsir. C'est pas de l'istinbat. L'istinbat, bah, c'est de dire voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'Allah l'a favorisé, lui a donné une grande grâce, de retirer des choses qui sont pas le c'est pas la traduction du verset, c'est d'en retirer des choses. Ça en fait partie, ouais. L'istirpa, sinon. Non, l'istiqra, c'est pas ça, l'istiqra. Ça s'appelle l'istinbat. Et en fait, la plupart des livres de tafsir, ils sont remplis de tafsir et d'istinbat. C'est-à-dire qu'ils expliquent le verset, puis après, bah, ils en retirent plein de fawaïd, plein de leçons morales, plein de leçons de fiqh, etc. Par exemple, quand ils t'expliquent Aula mastumun nisa, comme quoi ça veut dire al-jima, pourquoi? Parce que après, ça parle de tayammum pour al-hadath al-akbar, al-hadath al-asghar. Tout ça, c'est ce qu'on appelle al-istinbat. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on va retirer, retirer du verset, mais ce n'est pas la traduction et le tafsir du verset. Bon, on s'arrête là, inshallah ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar, Allahumma. فقهنا في الدين ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.